pense, m'paresse si c'est pas essayer, ça va qu'à coûter rien. On espère en cas si on cœur. En constaté, mais c'est qui on va se. Mettez si c'est pas fait loin manqué. Bon Dieu, que forme là ça pour moi. On a pas qu'il est fait par le système. Dis-moi si c'est l'ancien. Quel amour qu'a caché. Coucou bébé, on va éviter. Croiser dans la rue.